Tan tan tan, tan tan tan. Eh oui, oui, salut à tous et à toutes ces générations au manga. On est de retour et on m'a encore déréglé le truc, j'adore ça. Non, c'est super, c'est toujours la surprise. Eh oui, quand ça passe en boucle, qu'est-ce que ça peut m'agacer? C'est bien pour commencer l'émission. Donc, voilà, bon, bah, notre ami Christophe était censé être là, mais il n'est toujours pas là. Alors peut-être va-t-il arriver plus tard, ou voire pas du tout. Tout est possible avec lui, donc je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que je pouvais vous raconter de beau? Parce que moi, du coup, j'ai pas trop prévu, parce que moi, je pensais que Christophe venait et que c'est lui qui allait nous faire le sujet. Donc, je viens comme ça les mains dans les poches, j'ai rien de prévu. Enfin, vous me connaissez, de toute façon, je peux vous improviser tout et n'importe quoi très facilement, vous le savez. Alors, je vais en profiter pour vous faire une petite annonce. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Donc, Christophe est en train actuellement, vous le savez, d'écrire un bouquin sur les BO de dessins animés, de films, tout ça, les BO perdus, les BO retrouvés, donc les bandes originales et toutes ces sortes de choses. Et moi, de mon côté, bah, je vais être aussi attaqué par le syndrome littéraire, puisqu'on m'a demandé de faire un bouquin qui retranscrit un peu toutes les conneries que je vous raconte chaque semaine depuis 10 ans sur cette antenne. Donc, ça fait pas mal de choses à raconter. Donc, je suis en train de coucher ça sur le papier aussi, donc vous verrez ça incessamment sous peu. Voilà, voilà, c'est juste pour info. Et donc je propose qu'on commence tout de suite par chanter une petite chanson. Je vous propose qu'on revienne un petit peu à l'époque des Mousquetaires, parce que vous savez qu'il y a eu plusieurs films, plusieurs séries, plusieurs dessins animés qui traitent bien sûr des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Vaste roman et beaucoup d'adaptations. Dont celle qui nous a marqué le plus dans les années 80 était une adaptation qui était... hispano-japonaise ou japono-espagnole, enfin je sais pas dans quel ordre ça se marche. Enfin bref, c'est les Espagnols donc, qui s'étaient unis avec les Japonais pour nous pondre cette superbe série. Et par la suite, les Espagnols ont décidé, tout seuls, comme des grands, mais pourtant grands ils n'étaient pas encore, de faire la suite avec D'Artagnan, ce qui est une catastrophe nucléaire. Donc on va éviter de parler de sujets qui fâchent. Donc cette suite, on va totalement l'oublier, elle est totalement dispensable. Rayez ça de votre mémoire, hein. Je vous l'ai dit parce que vous. Voilà, pour que vous le sachiez, hein, mais on va oublier. Et donc, bien sûr, D'Artagnan et les Trois Mousquetaires, un pour tous et tous pour un, interprété par le mari de Chantal Goya, à savoir Jean-Jacques Debout, à qui nous devons bien entendu aussi la composition de la célèbre chanson de Capitaine Flamme. Allez, un pour tous, tous pour un, c'est parti. Un pour tous et tous pour un, lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous et tous pour un, on est comme des frères. Un pour tous et tous pour un, il faudra s'y faire. Les autres ne sont pas loin quand on en voit un. Un pour tous et tous pour un, lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous et tous pour un, on est comme des frères. Un pour tous et tous pour un, ils sont sur la terre comme les doigts de la main, et ça leur va bien. Comme des petits diables, ils font des tours pendables, mais nous savons qu'ils sont de joyeux compagnons. Mais pour croiser le fer avec ces mousquetaires, il faudrait être fou, oui, être fou. Un pour tous et tous pour un, lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous et tous pour un, on est comme des frères. Un pour tous et tous pour un, ils sont sur la terre comme les doigts de la main, et ça leur va bien. Tous et tous pour un, lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous et tous pour un, on est comme des frères. Un pour tous et tous pour un, ils sont sur la terre comme les doigts de la main, et ça leur va bien. Et voilà, un pour tous et tous pour un. Alors, ce qui avait de particulier avec ce dessin animé, c'est qu'en préambule, en avant-propos, il y avait des images d'illustrations des romans d'Alexandre Dumas, des Trois Mousquetaires. Et donc, à cette occasion, avait été composée une autre chanson en chœur qui s'appelle « D'Artagnan, trois amis ». Toujours composé et interprété par le même Jean-Jacques Debout, n'est-ce pas? Et qui est vachement bien et qu'on va s'écouter maintenant. Viens voir les trois mousquetaires qui mènent des vies de chiens. À cheval dans la poussière, ils sont sur tous les chemins. Quand ils s'en vont à la guerre, ils se battent vite et bien. Contre l'armée d'Angleterre, un pour tous et tous pour un. D'Artagnan, Aramis, Porthos et puis Athos. D'Artagnan, trois amis, mousquetaires à Paris. D'Artagnan, Aramis, Porthos et puis Athos. Les cadets que voilà sont les cadets du roi. S'il se bat sans vergogne, s'il ne connaît pas la peur, un D'Artagnan de Gascogne s'est montré qu'il a du cœur. Et pour l'aveu de la reine, lui et ses joyeux amis, au pied de leur souveraine, pourraient bien donner leur vie. D'Artagnan, Aramis, Porthos et puis Athos. D'Artagnan, trois amis, mousquetaires à Paris. D'Artagnan, Aramis, Porthos et puis Athos. Les cadets que voilà sont les cadets du roi. Mais ce que vous n'aimez guère, ce que nous aimons le mieux, disent les trois mousquetaires à monsieur de Richelieu. Et pour l'amour de la reine, sans pitié pour Milady, ils gardent le cœur fidèle à tout ce qu'ils ont promis. D'Artagnan, Aramis, Porthos et puis Athos. D'Artagnan, trois amis, mousquetaires à Paris. D'Artagnan, Aramis, Porthos et puis Athos. Les cadets que voilà sont les cadets du roi. Les cadets que voilà sont les cadets du roi. Et alors, hein? Ah oui, oui. On reste dans Jean-Jacques Debout. Enfin, pas tout de suite, c'est Conan, fils du futur, œuvre de jeunesse de Hayao Miyazaki, himself, hein, s'il vous plaît. Donc, il y a eu un premier générique, dont malheureusement, je n'ai qu'un tout petit bout à vous proposer en très mauvaise qualité, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce que ça pouvait donner. Et ensuite, quand c'est ressorti en VHS et puis en DVD, une nouvelle chanson a été composée par Jean-Jacques Debout et interprétée par Jean-Jacques Debout. Donc, on s'écoute d'abord vite fait le petit bout survivant de la première version. Vous avez vu, hein, j'en ai 8 secondes. C'est pour... J'ai 8 secondes pour vous dire que la barre vous matise et la dynamite. Donc voilà, c'est pour dire, c'est le seul petit bout que j'ai, mais c'est super dur d'avoir ce générique. Si par hasard, vous, par accident, vous avez ça, ça m'intéresse aussi. Hein, voilà. Allez, Conan, fils de futur, donc le deuxième générique, celui donc de Jean-Jacques Debout. Le fils du futur, ô toi l'enfant. Ta force est incroyablement géante, méga puissante, pour braver tous les océans déchaînés. Conan, le fils du futur, ô toi l'enfant Conan, tu sauveras la nar des brigands. D'un vieux écologiste à Edenia. Eh oui, hein. Non, c'est pas mal, hein. Allez, bon. Alors, qu'est-ce qu'on va s'écouter maintenant? Eh oui, vous avez compris qu'on va faire, on va faire des chansons ce soir. J'ai envie de chanter, j'ai envie de machiner. Alors, on se fait des chansons. Alors, on va essayer de vous passer des trucs que je mets pas souvent, histoire de changer un petit peu d'habitude. Hein. Qu'est-ce que vous dites? Tiens, voilà. Angie, par exemple, détective en herbe. Ça, voilà un truc que je vous passe rarement et pour cause. Alors, la petite histoire de Angie, détective en herbe. C'est que le générique français qu'on a, c'est celui qui est en Italie, et le générique de Cubitus, le chien. Donc du coup, on entend des wouhouhouhouhouhouhouhouhouhou, des aboiements qui n'ont rien à faire là, puisque Angie Détective en Herbe, il n'y a pas de chien. Donc voilà, donc écoutez ça un peu, Angie Détective en Herbe, un des nombreux génériques de la 5, dont chanté forcément par Claude Lombard, c'est ça, yep. Un jour par aventure, Angie suivit la trace d'un bandit, le prit en filature et le fit arrêter par les bogies. Depuis quoi qu'il arrive, quand elle voit quelque chose de suspect, elle joue au détective pour mener son enquête. Elle est futée, elle a un flair terrible. Elle part sur la piste d'un voleur, ou quand elle prend pour cible les pickpockets et tous les maraudeurs à Buckingham Palace. Elle fait la lumière dans le brouillard, elle est plus perspicace que Mr. Sherlock Holmes et Scotland Yard. Angie, c'est une petite policière. Vous entendez les aboiements? Angie, Angie, c'est le meilleur limier d'Angleterre. Angie, elle met tous les méchants au trou et derrière les verrous. Un jour par aventure, j'ai suivi la trace d'un bandit, le prit en filature et le fit arrêter par les bandits. Depuis quoi qu'il arrive, quand elle voit quelque chose de suspect, elle joue au détective pour mener son enquête et les futer. Angie, c'est une petite policière. Angie, elle court après tous les filous. Angie, c'est le meilleur limier d'Angleterre. Angie, elle met tous les méchants au trou et derrière les Buckingham Palace, elle fait la lumière dans le brouillard. Elle est plus perspicace que Mr. Sherlock Holmes et Scotland Yard. Angie, c'est une petite policière. Angie, elle court après tous les filous. Angie, c'est le meilleur limier d'Angleterre. Angie, elle met tous les méchants autour et derrière les verrous. Eh oui, Angie, ah, vous connaissez pas ça, Angie, ouais, tu m'étonnes. Vous l'opérez en même temps, hein. C'est pas terrible, c'est franchement pas terrible. Allez, on reste dans le truc pas terrible. C'est culte, mais c'est pas terrible quand même. Hein, parce que c'est Princesse Saphir ou Prince Saphir. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Prince Saphir, ça a été un des deux premiers dessins animés japonais diffusés en France, et ce, avant Goldorak. Il y a eu d'abord le Roi Léo, ensuite Prince Saphir, et ça a été ensuite rediffusé plus tard sous le nom de Princesse Saphir. Et c'est très inspiré, enfin, ça a inspiré Lady Oscar. Lady Oscar s'est beaucoup inspiré de Prince Saphir, parce que c'est le principe de Prince Saphir, c'est que c'est une fille qui se fait passer pour un garçon. Pour pouvoir conserver le trône et tout ça, donc c'est un truc. Et bien sûr, c'est Osamu Tezuka, le grand, oh Tezuka, le grand Tezuka. Bien sûr, le papa d'Astro le Petit Robot, le papa du manga moderne, avec tout ce qu'il a en joué à enlever. Allez, Princesse Saphir, je vais tous vous entendre, hein, parce que ça, il faut les petits chanteurs d'Anière pour chanter derrière. Princesse Saphir, tu as des habits de prince, tu es notre petit prince, mais tu es née princesse, pour le meilleur et pour le pire. Princesse Saphir, tu te fais passer pour un garçon, mais nous seuls nous connaissons ton nom. Princesse Saphir, quand tu es née dans ce royaume, un homme pouvait seul régner. Alors ton père a décidé que tu serais l'héritier pour préserver l'amour et la paix. Princesse Saphir, tu as des habits de prince, tu es notre petit prince, mais tu es née princesse, pour le meilleur et pour le pire. Princesse Saphir, fais passer pour un garçon, mais nous seuls nous connaissons ton nom. Princesse Saphir, tu te bats pour rester fidèle au royaume de tes parents. Tu ne fais tourner ton épée qu'au nom de la liberté des paysans et des pauvres gens. Habits de prince, tu es notre petit prince, mais tu es née princesse, pour le meilleur et pour le pire. Princesse Saphir, tu te fais passer pour un garçon, mais nous seuls nous connaissons ton nom. Princesse Saphir, tu te fais passer pour un garçon, mais nous seuls nous connaissons ton nom. Princesse Saphir. Allez, on enchaîne avec Tchaou et Grodo. Tchaou et Grodo, Marie Mercier, l'histoire du petit chien abandonné. C'est parti. Pouh. Toi, viens écouter la belle histoire de Tchaou, petit chien errant. Car les hommes ne veulent pas savoir qu'il est encore un enfant. Abandonné et pourchassé, il cherche sa maman. Et il a faim, et il a froid, et pour tout il est très maladroit. Mais un jour il croise sur son chemin un gros dur qui lui tend la main. C'est Grodo, le vieux chien de gouttière, qui a toujours l'air en colère. Pas dans la patte, les deux copains partent pour l'aventure. Mais le méchant dresseur de chiens, à chaque instant leur mène la vie dure. Toi, viens écouter la belle histoire de Tchaou, petit chien errant. Car les hommes ne veulent pas savoir qu'il est l'ami des enfants. Le jour, la nuit, par tous les temps, même les plus effrayants. les tempêtes, les ouragans, faut être très prudent. Ah merde, c'est pas ça. Ta maman, jour après jour, il apprend la vie, apprend à se défendre, à quatre pattes ou endormi, faut être très prudent. Voilà, c'est là. Très prudent. Toi, viens écouter la belle histoire de Tchaou, petit chien errant, car les hommes ne veulent pas savoir qu'il est encore un enfant. Et après, on enchaîne avec Déméthane, la petite grenouille, toujours par Marie Mercier. Allez, wouh! Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Allez, gentil petit Déméthane, sors bien de ton étang avec tous les ennuis qui t'attendent au bord du coin. Allez! Gentil petit Déméthane, tu n'as pas de chance, car la jolie Renatane, ta petite camarade, souvent tu y penses, et la fille de Kiata, le méchant seigneur des lacs et des bois, et ça déchire ton âme, gentil petit Déméthane. Descend le soleil rouge et que sous l'eau rien ne bouge, tu pars en cachette pour trouver ton petit amour. Tu attends la fin du jour, ton cœur est en fête, mais le méchant Kiata lui interdit de sortir pour te voir, et tu l'attends plein d'espoir pendant qu'elle pleure dans le noir. De petit cœur de grenouille, au-dessus d'un bel étang, c'est Déméthane, c'est Renatane, qui joue comme tous les enfants. Près des oiseaux qui gazouillent, on laisse passer le temps. Pour Déméthane, pour Renatane, le paradis c'est leur étang. Gentil petit Déméthane, on va danser Renatane. Tu joues de la flûte, monsieur du tam-tam, et les gros hippopotames mettent leur mini-jupe pour danser un ballet. Au mieux que les honneurs, les jars, les furets, et la gronde t'acclame, gentil petit Déméthane. Gentil petit Déméthane, gentil petit Déméthane, tu n'as plus la chance, car la jolie Renatane, ta petite camarade, qui joue et qui danse, n'a plus peur de Kiata, le méchant seigneur des lacs et des bois, et la joie partout s'enflamme. Gentil petit Déméthane, joli petit Renatane, gentil petit Déméthane, joli petit Renatane, gentil petit Déméthane, joli petit Renatane, gentil petit Déméthane, joli petit Renatane, gentil petit Déméthane, joli petit Renatane, gentil petit Déméthane. Allez, on enchaîne avec les deux chansons des quatre filles du docteur Marsh, deux dessins animés différents, deux chansons différentes, les quatre filles du docteur Marsh. Hey! Et celle-là, c'est la deuxième. Hein. Ça enchaîne directement bizarrement. Nanana, Claude Lombard! dans la maison du bonheur vivent quatre petites sœurs. Il y a Meg et Jo, Bette et Annie. J'ai jamais retourné les prénoms. Quatre filles, mais elles sont toutes gentilles. La tendresse les réunit. Quelquefois elles se griffent, elles sont en rage, mais la paix revient vite après l'orage. On peut dire ce qu'on voudra, rien, rien ne les séparera. Ah, allez! Toutes pour une pour toutes. Elles s'adorent même quand elles se fâchent. Toutes pour une pour toutes. Ce sont les quatre filles du docteur Marsh. Toutes pour une pour toutes. Elles s'adorent même quand elles se fâchent. Toutes pour une pour toutes. Ce sont les quatre filles du docteur Marsh. Trois autres disent je t'aime, trois baisers et tout est fini. Ni le sort, ni les garçons, ni la guerre n'ont jamais rien ne les séparera. Toutes pour une pour toutes. Elles s'adorent même quand elles se fâchent. Toutes pour une pour toutes. Ce sont les quatre filles du docteur Marsh. Allez! Toutes pour une pour toutes. Elles s'adorent même quand elles se fâchent. Toutes pour une pour toutes. Ce sont les quatre filles du docteur Marsh. Tout le monde! Toutes pour une pour toutes. Elles s'adorent même quand elles se fâchent. Toutes pour une pour toutes. Ce sont les quatre filles du docteur Marsh. Une pour toutes. Voilà, une pour toutes, la première version de Chantal Goya. C'est maintenant, normalement, si tout va bien. C'est moins rythmé tout de suite, hein. Parti à la guerre, ses enfants partent tout bas. Dans la maison, maman s'affaire, elle ne songe pas moi. Que la vie avec peu d'argent sera dure à supporter. Mais c'est que sur finalement, une maman peut compter. Les quatre filles du docteur Marsh étaient sages comme des images, toujours unies dans la joie, les peines, aucune n'était vraiment la même. Les quatre filles du docteur Marsh, ils aimaient les chanter. Ils rêvaient aussi de trouver un jour un mari. Les mois passent dans la maison, Joe se conduit en garçon. Bette et Laurie sont au piano, et quand ils jouent en duo, c'est une joie de les entendre. Mais dans le froid de novembre, un télégramme vient annoncer que monsieur Marsh est blessé. Allez. Les quatre filles du docteur Marsh étaient sages comme des images, toujours unies dans les joies, les peines, aucune n'était vraiment la même. Les quatre filles du docteur Marsh rêvaient et chantaient. Secret rêvait aussi de trouver un jour un mari. Maman se rend à Washington auprès de père qui se meurt. Tandis qu'au loin le canon tonne, maître n'est bien des malheurs. Mais un beau jour, papa revient et Meg va se fiancer. Pour la famille, tout finit bien, tout le monde s'est retrouvé. À vous! Les quatre filles du docteur Marsh étaient sages comme des images, toujours unies dans les joies, les peines, aucune n'était vraiment la même. Les quatre filles du docteur Marsh aimaient chanter, grand et chanter. Un secret rêvait aussi de trouver un jour un mari. Les quatre filles du docteur Marsh étaient sages comme des images, toujours unies dans les joies, les peines, aucune n'était vraiment la même. Les quatre filles du docteur Marsh aimaient chanter, et un secret rêvait aussi de trouver un jour un mari. Et voilà, voilà. Da-na-na-na-na. Par contre, le dessin animé est bien pourri. Hein. Donc celui-là existe en DVD, le premier, mais curieusement pas le deuxième. C'est étrange, hein. Pourtant, le deuxième est vachement mieux que le premier. Enfin, voilà. Alors, je fais une petite pause pour vous dire que je suis quand même allé voir Avengers 2 et que, contrairement à certains trolls, certains haters qui peuvent dire du mal sur Internet, le film est super méga bien. Donc, vous pouvez y aller. C'est Seal of Quality. Je vous le conseille. Voilà, et toc, mange-toi ça. Bon, je vous en reparlerai pas plus en détail parce que je veux pas vous spoiler. Mais voilà. Alors, bon, c'est bien mignon tout ça. On chante un peu des chansons de filles. Mais si on chantait un petit peu des chansons avec un peu plus de testostérone, hein. Alors, j'adore cette chanson. Le dessin animé est à chier, puisqu'il est français en plus, adapté d'une bande dessinée franco-belge de Druyer aussi. C'est Bleu, l'enfant de la terre. Mais la chanson, ça envoie du bois. Allez, c'est parti. Un surf comme un tapis volant, la flèche de la liberté qui court sur l'eau et dans le vent au secours de l'humanité. Il porte bleu l'enfant bonheur, ses compagnons griffes et saphir, parti pour vaincre la terreur de Jamal et de son empire. De Jamal, l'infâme tyran, champion de toutes les magies. Sans haine, violence ni colère, bleu et des deux griffes et saphir apporte un espoir de lumière au monde. Le gars, il est au ciel. J'arrive pas à le tenir aussi longtemps que lui. C'est infernal, hein. C'est un mutant, le mec. Comment il fait pour tenir la note aussi longtemps? Moi, je peux pas. J'arrive pas. J'ai essayé, putain. J'arrive pas. Il manque au moins 15 secondes pour arriver à tenir aussi bon que lui. Ah, bon sang. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Allez, autre chanson bien sympathique et bien péchue. C'est Dardar Motus. C'était une souris agent secret. Chantée par Lionel Leroy. Et ça envoie du bois. Voilà. Vêtu d'un bandeau sur un œil, peut-être pour tromper l'ennemi, un agent secret se lève du fauteuil. Bon sang, mais c'est une souris. Ses deux grandes oreilles sont toutes roses, lettres sur son ventre supposent que c'est la super, hyper, super souris. Dardarmotus souris aérodynamique, Dardarmotus souris bâton de dynamite, Dardarmotus la souris de l'air atomique, c'est la meilleure de toutes les souris. Dardarmotus souris aérodynamique, Dardarmotus souris bâton de dynamite, Dardarmotus la souris de l'air atomique, c'est la meilleure de toutes les souris. Dans la sauterelle spatiale avec son ami Panica, elles font l'univers combattant d'Over qui veut conquérir la Terre. Ses aventures sont un défi lancé au péril de sa vie, mais c'est la super, hyper, super souris. Dardarmotus souris aérodynamique, Dardarmotus souris bâton de dynamite, Dardarmotus la souris de l'air atomique, c'est la meilleure de toutes les souris. Dardarmotus souris aérodynamique, Dardarmotus souris bâton de dynamite, Dardarmotus la souris de l'air atomique, c'est la meilleure de toutes les souris. Allez, on enchaîne avec le générique d'Amuse 3 qui diffusait les dessins animés le dimanche soir. C'est parti! Avec Amuse 3, amuse-toi, avec l'aventure de Booba. Avec Amuse 3, amuse-toi, l'oiseau bleu te racontera toute l'histoire d'un monde merveilleux où tout change pour nous rendre heureux. Cherche-le sur la 3, amuse-toi avec Amuse 3. Avec Amuse 3, amuse-toi, Marie Luc, tu sais, n'attends pas. Avec Amuse 3, amuse-toi et admire les splendeurs sauvages. Les trois sœurs de Signe et Cat Size, qui la nuit se transforment en canaille. Viens devant toi sur la 3. Amuse-toi avec Amuse 3. Avec Amuse 3, amuse-toi à regarder les entrechats. Et puis tu verras Speedy Gonzales, la souris la plus rapide de l'Ouest. N'attends plus, appelle tes amis. Sur les bancs, c'est la fête aujourd'hui. Rejoins-nous sur la 3. Amuse-toi avec Amuse 3. Amuse-toi, amuse-toi à regarder les entrechats. Et puis tu verras Speedy Gonzales, la souris la plus rapide de l'Ouest. Nathan, appelle tes amis. Sur l'écran, c'est la fête aujourd'hui. Rejoins-nous sur la 3. Amuse-toi avec Amuse 3. Eh oui, ça te donnait envie de regarder tout de suite. Hein. Ce qui était moins entraînant, c'est que c'était David le Gnome qui présentait, et ça, c'était très chiant. Parce que David le Gnome, c'est vraiment c'est un dessin animé espagnol, je crois que j'avais regardé. Ou allemand, je sais pas, enfin voilà. Et c'était nul, et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il reprenait des séquences du dessin animé, et puis le redoublait pour faire style je présente Cat's Eyes, Danny, toutes ces sortes de choses, voilà. Donc du coup, tu te bouffais triple dose de David le Gnome. En plus, pendant Amuse 3, t'avais aussi David le Gnome en image, genre, enfin, c'était insupportable. Voilà. Heureusement que c'est fini, ces conneries-là. Allez. on va chanter un truc un petit peu plus doux. Ouais, je sais que vous l'attendez. Ouais, vous voulez que je vous la fasse. Je sais que vous voulez que je vous la fasse. Alors je vous la fais. Voilà. Allez, puis après on pourra repasser sur quelque chose d'un peu plus péchu. L'hiver s'installe doucement dans la nuit. La neige est reine à son tour. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiment. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. J'ai laissé mon enfance en été, perdu dans l'hiver. Le froid est pour moi le prix de la liberté. Quand on prend de la hauteur, tout semble insignifiant. La tristesse, l'angoisse et la peur m'ont quitté depuis longtemps. Je veux voir ce que je peux faire de cette magie pleine de mystères. Le bien, le mal, je dis tant pis, tant pis. Libéré, délivré, les étoiles me tendent les bras. Libéré, délivré, non je ne pleure pas. Me voilà, oui je suis là, perdu dans l'hiver. Mon pouvoir vient du ciel et envahit l'espace. Mon âme s'exprime en dessinant et sculptant dans la glace. Et mes pensées sont des fleurs de cristal gelées. Je ne reviendrai pas, le passé est passé. Délivré, désormais plus rien ne m'arrête. Libéré, délivré, plus de princesse parfaite. Je suis là comme je l'ai rêvé, perdu dans l'hiver. Le froid est pour moi le prix de la liberté. Ah, ce coup-ci, je veux pas lire. Je crois que je l'ai fait nickel chrome. Hein, là, ce coup-ci, à force, au bout de la 50e fois, j'ai réussi à faire quelque chose de bien. Bon, bref. C'était une petite parenthèse. Nous allons pouvoir continuer sur de bonnes machins. Allez, on va se mettre Dan Cougar, les cadets de l'espace. Parce que Dan Cougar, en fait, c'était donc un robot géant qui était passé au Club Dorothée furtivement. Il y avait une quinzaine d'épisodes qui avaient été diffusés, donc on n'avait jamais eu la fin. Et voilà, donc Dan Cougar en VO. Donc on avait ajouté un R pour que ça fasse Dan Cougar. Et donc, en fait, la particularité de Dan Cougar, c'est que chaque vaisseau était donc un animal. Il y avait un mammouth, un lion, une panthère, un aigle. Et c'est en se mettant en colère, en fait, que les pilotes pouvaient lancer toute leur puissance, tu vois, pour affronter les méchants extraterrestres qui veulent conquérir la Terre. Dan Cougar par Jean-Paul Césari. Dan Cougar, les cadets de l'espace. Dan Cougar, aux ennemis font face. Pour sauver l'espoir et l'amitié, l'amour et la liberté. Dan Cougar, on tue tous les méchants. Dan Cougar, ils s'en vont vaillamment. Pour qu'enfin s'en trouve le chemin vers le monde de demain. Ils ont la foi, les dangers qu'ils devront affronter. ils sauront faire triompher amour et liberté. Dan Cougar, les cadets de l'espace, Dan Cougar, à jamais feront face pour sauver l'espoir et l'amitié, l'amour et la liberté. Dan Cougar, au péril de leur vie, dans le noir contre les ennemis, ils s'en vont avec au fond du cœur le courage des vainqueurs. Ils ont la force de croire que viendra la victoire. Sur les chemins de la gloire, triomphe Dan Cougar. Dan Cougar, rien ne saura jamais Dan Cougar les faire renoncer à se battre pour préserver la terre des dangers de l'univers. Dan Cougar, les cadets de l'espace, Dan Cougar, à jamais font face pour sauver l'espoir et l'amitié, l'amour et la liberté. Allez, Galaxy Express 999. Galaxy Express 999, super train de l'espace, tu voles vers l'infini. Galaxy Express 999, tu changes les humains, mais leur donne la folie. Pour devenir mortel, a toujours fait rêver. Et pour le devenir, les hommes sont prêts à tout, à n'importe quel prix, n'importe quelle condition. Même s'il faut tuer, ils sont devenus fous. Galaxy Express 999, tu voles dans l'espace à des millions d'années-lumière. Galaxy Express 999, au peuple de toutes les races, tu mènes un train d'enfer. Train de tous les délires, des fantasmes ou des caprices. Dans la nuit tu déchires, tes tabous, tes interdits. C'est pas parce qu'avant moi les hommes finissaient par mourir qu'on peut pas changer ça à bord de cette galaxie. Galaxy Express 999, super train de l'espace, tu voles vers l'infini. Galaxy Express 999, tu changes les humains, mais leur donne la folie. Devenir immortel a toujours fait rêver, et pour le devenir, les hommes sont prêts à tout, à n'importe quel prix, n'importe quelle condition. Mais s'il faut tuer, ils sont devenus fous. Galaxy Express 999, vole dans l'espace à des millions d'années-lumière. Galaxy Express 999, au peuple de toutes les races, tu mènes un train d'enfer. Galaxy Express 999, super train de l'espace, tu voles vers l'infini. Galaxy Express 999, tu changes les humains, mais leur donne la folie. Ça envoie du bois quand même. Ah, je sais que j'ai retrouvé cette l'intérêt pour cette chanson récemment parce qu'en fait la guitare derrière ça envoie. Voilà. Bon, bien sûr, je vous apprends pas que Galaxy Express 999 est une œuvre du papa d'Albator, Leiji Matsumoto, hein, bien sûr, et qu'il encore on a eu que la série partiellement en France puisqu'on a eu qu'une quarantaine d'épisodes sur les 114 qui existent. Alors, autant dire qu'il nous en manque pas mal. Hein. Donc voilà. Et pour la petite histoire, si vous êtes curieux, sachez que la version française est sortie en DVD en Belgique, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous pouvez avoir le coffret DVD belge, donc avec la VF dessus, et bien sûr, il n'y a que les 38 épisodes qui ont été doublés. Donc il n'y a pas le reste. Mais au moins ça, ça existe en DVD, mais pas en France. C'est fort, c'est fortiche comme truc. Hein. Voilà, voilà. Allez, on va enchaîner avec les Transformers pour un monde meilleur. Transformers. il y a déjà 4 millions d'années, les autobots sophistiqués abandonnés à la planète Cybertron, dont le grand patron était Mégatron. Ils ont choisi de tomber sur la Terre dans l'espoir de conquérir l'univers. Ils sont les rois de la transformation, les autobots robots au camion. Conquérir l'énergie, dominer les étoiles dans la lutte sidérale. Les méchants ou les bons, la question, qui seront les champions? Les méchants ou les bons, la question, qui seront les champions? Afin d'avoir le pouvoir absolu, les décepticaines sont bien résolus à voler la formule antimatière du professeur Alcazar sur la Terre. Mais décidé à conjurer le mal, Optimus prend son navire spatial pour attaquer à temps ses ennemis. Son cosmotron franchit les galaxies. Transformers, l'actualité Transformers, c'est qu'en ce moment sur Gulli, le nouveau dessin animé Transformers Robot in Disguise. Donc apparemment, le graphisme a l'air très enfantin. Alors, je n'ai pas vu encore, donc je serais bien normal de vous donner un avis sur la question. Donc, je ne sais pas. Je vais essayer de voir ça et de vous en dire, de vous en faire écho. Par contre, Transformers Prime, qui est absolument excellente, la troisième saison qui s'appelle... Beast Chine, ou ah, je voulais pas vous dire de bêtises. Hein. Beastmaster, un truc comme ça. Sort en DVD. Donc vous pouvez voir donc la troisième saison en DVD. Il y a le premier DVD qui est sorti. Le deuxième sortira au mois de mai, je crois. Et c'est toujours de la bombe bébé. Donc si je dois vous conseiller un dessin animé Transformers, c'est Transformers Prime. Et bien sûr, les deux autres saisons sont aussi sorties en DVD. Donc en gros, vous n'avez aucune excuse pour ne pas vous les procurer. Donc Transformers Prime, allez-y, c'est du bon. C'est en synthèse. Mais c'est pas pour ça que c'est pas bien, attention. Ben, voilà. Allez, maintenant on va s'écouter le générique interprété par les Shooting Stars de Silent Mobius, le dessin animé de Kiya Asamiya. Et ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est que Kiya Asamiya est le mangaka qui a officié sur le manga de Batman, parce qu'il y a eu un manga de Batman qui est sorti il y a pas mal de temps chez Delcourt en deux tomes, en grand format. Donc je vous incite à y jeter un œil si vous arrivez à les trouver, parce que je ne sais pas si c'est encore facilement trouvé comme ça, édité tout de suite là comme ça, à boule pour point, je ne peux pas vous garantir. Mais enfin, toujours est-il que ça doit se trouver au pire, en occasion sur le net ou compagnie, vous avez bien me trouvé ça. Allez, c'est Silent Mobius. Chacun pourrait un jour se perdre dans le temps. Chacun recherche le sens de la vie. N'oublie jamais que ce moment est important. Les deux lunes se sont confondues. Quand la tempête a éclaté, tu as rejeté l'image d'un paradis perdu. Ici, tu tu fais tes adieux aux merveilleux souvenirs de tous ces jours innocents. Ton âme est tentée par un doux poison, tu ne peux résister au crime de sang. Le cœur éveillé par la nuit des temps, enfin tu ouvres les yeux. Chacun pourrait un jour se rêve défendu, chacun se blesse à rechercher l'amour. Et je voudrais que tous les anges chassés continuent de danser et prier. N'oublie jamais que ce moment est important pour accomplir ton destinée. Viendra le jour au milieu des larmes où tu deviendras fort. Ending maintenant. Dans pas longtemps. Je suis perdue et dans la nuit tu me manques et je regarde là dans le ciel les étoiles. Ça tranche, hein. Autant le début ça envoie du bois, autant le nez et tout mou. Bon bah l'heure c'est l'heure, il ne reste plus beaucoup de temps, donc on va se quitter hein, avec les contes magiques. Voilà, un super dessin animé qui passait jadis, il y en a guère longtemps, au pays d'Orient. Donc voilà, on se quitte donc avec cette superbe chanson et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et ça sera pas à la star Nigo. Au milieu des mystères, dans ce monde merveilleux. C'est...